Ce roman étant la suite immédiate de son roman « De la Terre à la Lune », Jules Verne en donne lui-même un résumé dans ce chapitre liminaire de 8 pages.